brilha, sol entrelaçar. De frente desliza, subir e descer pela rodovia. Toque, toque frontal, bem devagar, sem machucar a tela, tudo ao relampir. Na vertical, sem descolar, tão aquecida ela está no ponto, baby. Enrosca, encosta, não mexe, só roça. Chave na fechadura, mas com muita ternura. Enrosca, encosta, remexe, na volta. Aperto o parafuso, dá-lhe uso sem abuso. Na rede, na pista, você aprendeu a coreografia. Já entrelaçou de frente com pica, subiu e desceu pela rodovia. Toque, toque frontal, bem devagar, sem machucar dela, não estrago o meu pudim. Na vertical, sem descolar, calma que se dela está no ponto, baby. Mas com muita ternura. Enrosca, encosta, não mexe, na volta. Aperta o parafuso, dá-lhe uso sem abuso. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só enroscar o elalê, é só enroscar o elalê. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só balançar o balancê, é só balançar o balancê. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só arriscar o elele, é só arriscar o elele. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só balançar no balancê. Piriri, perere, perere. Já enroscou. Gostaste? Enrosque é bom. Por um momento de prazer, maldito país. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h19 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte. Nous allons passer 2 heures ensemble, de 17h à 19h. Vous pouvez nous écouter sur le site 96.2 FM, mais aussi sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 octobre. Et oui, les vacances s'éloignent. On va penser maintenant à rentrer dans l'hiver. Et on écoute une chanson de Boy Teddy, Esta danza me mata. Só sabe quem é casado. Et on poursuit avec João Claro, Antes de te encontrar. Vous allez voir, ça change un petit peu de ce qu'il chante d'habitude. Antes de te encontrar, eu andava tão infeliz. Antes de te conhecer, tudo era uma escuridão. Eu vivia sem carinho, ninguém tinha para amar. As estrelas não brilhavam, as flores não floriam. Estava triste o meu coração. Até que um dia te encontrei e logo eu me apaixonei. Transformaste a minha vida para sempre. Em ti encontrei o amor, um jardim todo em flor. Nos teus olhos encontrei a luz da minha vida. Sempre assim, antes de te conhecer, triste vivi então no bairro da solidão. Era um lugar tão vazio, ninguém tinha para amar. As estrelas não brilhavam, os passarinhos não cantavam. Estava triste o meu coração. Transformaste a minha vida para sempre. Em ti encontrei o amor, um jardim todo em flor. Nos teus olhos encontrei a luz da minha vida. E on poursuit avec Chave d'Oiro, Trottinette. Pra andar com a Lisette, comprei uma trottinette. Pra andar com a Lisette, com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa e comecei a poupar um pouquinho e a fazer com o vizinho e a mulher que é uma brasa. Já andei a pé, andei de skate e bicicleta. Nunca fiz como a Lisette, ter o carro sempre parado. Na moda comprei uma bem girada para andar na rua, na praça ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete, trot trotinete, trot trotinete, trot trotinete. Todos os dias quando acordo de manhã, eu tiro a trotinete dentro da minha garagem. E a Lisette quando passa a minha porta com a sua trotinete faz sempre uma paragem. O que mais gosta é da minha companhia, seja noite ou seja dia, montada lá vai ela. E o que eu mais gosto é da minha trotinete, para andar com a Lisette sempre montada nela. comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot-trotinete, trot-trotinete, trot-trotinete. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete, trot, trotinete, trot, trotinete. Trot, trotinete. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Soirée, événement. Yes. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et non paro de pensar en ti. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui. Vous avez bien entendu. Il mange The Dad. Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il mange The Dad et le groupe Capa Negra pour animer le bas. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Carpe Negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Et oui, bien sûr, c'est un événement qui est organisé par Radio Arc-en-Ciel. Donc n'oubliez pas, retenez bien cette date, le 5 novembre, à la salle de Montisson, à Saint-Jean-de-Blanc. Donc il y aura un grand bal qui est bien sûr aussi animé par le groupe Capa Negra et aussi avec ses artistes qui viennent pour la première fois sur Orléans, aux Îles Mans Verdad. Et justement, j'ai un invité surprise qui va... Mais quelle surprise! Qui est mieux placé pour en parler, ça. Donc, un invité que vous connaissez tous à sa voix, j'ai pas besoin de le présenter, c'est monsieur Lionel. Monsieur, tu le laisses de côté, c'est Lionel. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Bonjour Manu. C'est toujours un immense plaisir, venir sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, spécialement dans le programme Découverte, parce que... Et nous, ça te fait toujours plaisir. J'ai démarré ce programme, on va dire, hein. Oui, tout à fait. Cette émission Découverte, c'est toi qui est à l'honneur. Qui l'a lancé, oui. Qui le l'a matin. Lancé il y a... Au départ, ça a été le matin. C'était le vendredi matin. Le mardi matin. Mardi matin. Au début, mardi c'était... matin, voilà. Il y a quelques années, une trentaine d'années déjà. Bah, c'était tout à tes débuts, ça. Ouais, tout à fait. Et elle est toujours là. Alors, bien sûr, il y a plusieurs animateurs qui sont passés, ouais. Mais je pense qu'il n'y en a aucun qui arrive comme à ta hauteur. Comme le titre était bon, on l'a toujours gardé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un titre qui... Bon. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un à côté. Donc, là. Oui, voilà, une autre invitée aussi qui est là. Donc, je l'avais parié. Alors, dès que vous allez entendre sa voix, vous allez la reconnaître, elle va se présenter. Bonjour. Attendez, je t'ai pas mis ton micro, je te mets ton micro. C'est le rouge. Voilà, je pense que c'est bon, là, vas-y. T'es sûr que tu me connais? Ouais, voilà, ça y est, on l'entend. Donc voilà, c'est Christine, notre présidente, qui est là, bien sûr, et qui va pouvoir nous parler justement de... On répète? On répète. Oui, c'est t'as compris? Oui, j'ai compris. Moi, j'ai compris, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas très bien entendu. Donc, vous allez pouvoir en parler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement-là, quoi? Bah, c'est un événement que c'est pour la première fois qu'ils viennent à Orléans. C'est une musique différente. Très différent, mais. On espère capter un public différent, le même public que d'habitude, mais aussi un autre public. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Moi, personnellement, qui n'étais pas habitué, et depuis que je l'écoute, eh ben, écoutez, je vous avoue que je suis rentré dedans et j'adore. J'adore. C'est entraînant. Voilà, je connaissais comme ça, mais j'écoutais pas souvent leurs chansons. Mais là, depuis que, voilà, on les passe régulièrement à l'antenne, j'écoute plus souvent, ouais. Ça fait bouger quoi, ça fait bouger tous les os perdidos de todos os cantos do corpo. Effectivement, c'est vrai que c'est un excellent groupe et qui existe depuis très longtemps, mais la date à retenir effectivement aussi, c'est les 36 ans de notre radio. Effectivement, elle a, c'est magnifique qu'on puisse effectivement fêter cet anniversaire. C'est un anniversaire qui n'est pas donné à toutes les associations et qu'aujourd'hui Radio Arc-en-Ciel a cette chance. Souvent, que ce soit les députés, les entités portugaises nous disent souvent que rarement une radio 36 qui, ans. Est quand même associative et qui dépend un petit peu de la langue portugaise, de la langue française, de la langue espagnole, parce que nous sommes tout de même multiculturels et on aime ça d'ailleurs. C'est ce qui fait la richesse de notre radio, c'est cette multitude de cultures qui sont là. Et c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir fêter 36 ans, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, bon, on a toujours eu un public, on a toujours eu une direction qui était active et qui continue. C'est ça aussi, nos auditeurs qui étaient fidèles. Voilà, on a été bon pendant 2 ans, un petit peu comme tout le monde, bloqué un petit peu à cause du Covid. Bon, on est reparti, hein, c'est bien reparti. On est reparti le dernier au mois d'avril, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Et puis la là, Saint-Jean, voilà. La Saint-Jean aussi, oui, je parlais même pas de la Saint-Jean parce que c'était un événement en extérieur. Mais là, en ça, je pense que les gens, ils ont envie de sortir et puis ils vont venir parce que je pense pas que beaucoup de gens ont vu sur scène ces artistes. Moi, personnellement, je les ai jamais vus sur scène. Donc, ça va me faire plaisir de c'est les voir. C'est un spectacle complètement à part. C'est pas un spectacle d'un chanteur. Ils sont quatre, mais de quatre chanteurs sur place qui ont une culture encore totalement différente. C'est du live en plus. Tout à fait. C'est pas du playback. Donc, on vous invite à venir et passer un excellent moment avec nous. Et surtout, souffler les bougies de notre radio. Eh oui. Alors, c'est possible aussi qu'il soit là grâce à nos sponsors. Alors, voilà, parce que c'est un groupe qui est très, voilà, qui a des prix très élevés. Voilà. Donc, on peut faire le prix qu'on fait, parce que on a les sponsors. Alors, voilà, c'est grâce aux sponsors. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, hein, tous les événements qu'on organise, c'est grâce aux sponsors parce que sans eux, bah, on pourrait pas faire ce qu'on fait. Voilà, la radio elle-même toute seule, à faire tourner une radio comme la nôtre, on a besoin de fonds et nos sponsors sont là. Et d'ailleurs, on les remercie et de leur générosité et on compte sur eux surtout pour continuer. Et s'il y en a qui sont à l'écoute et qui veulent participer, pourquoi pas, ils peuvent appeler hein, dans l'émission. Alors, ils peuvent appeler dans l'émission, ils peuvent appeler au 02 38 43 50 05, mais ils peuvent aussi appeler à l'administratif, c'est-à-dire le 02 38 43 50 09. Après, il y a un mail, hein, éventuellement. Voilà, après, il y a le mail de la radio. Hein, 50 voilà. 05 Alors, tu viens de net, tu viens d'arriver à la radio, Manu. Excusez-moi, j'ai donné le numéro de fax. C'est le numéro de fax. Non, c'est le 02 38 43 48 00. Excusez-moi. Vous voyez pourquoi qu'elle est présidente et pas moi. C'est elle qui a, voilà, elle voit tout, hein. Elle voit tout. Non, là, elle entend. Non, non, j'entends. Oui, alors, attendez. J'entends. Non, non, je m'excuse. C'est le 05 qui m'a un petit peu de clété. Ouais, ouais, c'est le seul que je ne connais pas, non, c'est bizarre. Non, mais les auditeurs, ils connaissent. Voilà, donc je peux le redire. Hein. Donc le téléphone administratif, c'est le 02 38 43 50 09. Et le téléphone des animateurs, c'est le 02 38 43. Non, je repartais sur la même erreur. 02 38 43 48 00. Exactement. Voilà. Téléphone des animateurs. Donc, on va écouter un petit peu là, une chanson que j'aime bien aussi qui s'appelle Isabelle. Isabelle, et Yolande. Voilà, il y en a plusieurs, mais on va déjà écouter celle-là, puis on revient après pour parler de. À tout de suite. À tout de suite. Desesperado, a tua beleza é minha certeza. Voilà, c'était aux Immenses Verdades, Isabella. Surtout, ne restez sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On va reparler justement de son événement, de cet événement-là qui sera le 5 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et on poursuit avec Magdaigait Arad Enos. Alors, je suis désolé, j'ai un petit souci. On va passer à autre chose, le temps que je retrouve. Acontecem todo dia. Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mania. Ela vai voltar, eu sei. Não é a primeira vez que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Vai voltar, eu sei. Como dois mais um são três. Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. Passar e ela não voltar, morro de agonia. Igual aos temporais, brigas de casais acontecem todo dia. Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mania. Vai voltar, eu sei. Não é a primeira vez que ela vai embora. Depois de algumas horas, liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei. Como dois mais um são três. Não vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama. Voilà, c'était Alexandre Farias, elle va y voltar. Bon, bah, c'est bon, là, je pense qu'on va pouvoir passer Magdaigait à Rondenos. On écoute. Todos, todos. podróżne se chodzę. Kiedy nie rola, mi tu me zarasa. Finada lo leo lo la Una cuadra cantada provoca risada É muito patuá No final desta festa O que sempre resta Cerveja e jagdá Muito álcool na testa Daquilo que não presta Mas é o que há Vamos dançar rapaziada Que esta dança tá na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança tá na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança tá na moda Vamos dançar rapaziada Todos, todos nessa roda Entra na roda e começa a dançar É roda e dança Vai que nem gai que tu vos balança É roda e dança Entra na roda e começa a dançar É roda e dança Vai que nem gai que tu vos balança É roda e dança Casada oui, c'était Hélène Correia Casada Tamen Amor. Il s'est pris gosse, ça va namara. Eh oui. Et donc voilà, on va revenir à notre ami Lionel qui est toujours de l'autre côté. Donc on va continuer à parler justement de notre événement le 5 novembre. Cos Irmãos Verdade. Cos Irmãos Verdade, tu sais de quelle nationalité ils sont? Alors, je Cap Vert? Angola. Ah, c'est des Angoliens. Ouais, c'est... Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Ah, je crois que j'étais plus du Cap Vert. Non, non, c'est mais Angola. Tous les quatre? Il y en a un qui me paraît un peu plus européen, alors je sais pas. Mais bon, il a, à la base, ouais, oui, voilà. C'est d'Angola. D'Angola, d'accord. En tout ils cas, ont ils... démarré en 93. 93 déjà? Ouais. Ah oui, ça. Moi, personnellement, oui, je les connaissais par, bah, c'est pas des chanteurs que j'écoutais souvent. Mais j'avoue que maintenant, je passe régulièrement ces chansons. Ouais, franchement, c'est ouais, pas mal. La dernière, Tiam, c'est. Tiam, ouais, c'est superbe. Ça. On la passera tout à l'heure, justement. On l'a là. Et donc, pour revenir à cet événement, donc voilà, donc c'est, faut aussi pas oublier il y a un bal aussi, bien sûr, qui est. Animé par notre groupe de la région, de Capanègre. La région, Capanègre, voilà, qui seront là. Donc, à partir de 21h, bien sûr, vous pouvez venir. Et vous aurez aussi, alors, il y a de quoi se restaurer un petit peu sur place, hein. Si vous avez moelle, certainement. Ouais, voilà les trucs habituels. Hein, si vous n'avez pas le temps de manger avant de venir, vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut, il y aura boisson et des petits amuses. Ouais, voilà. Comme on dit, hein. C'est pas un grand repas, mais il y aura surtout HBFan. En général, elles sont pas trop mauvaises. Et donc, on peut parler aussi du prix de l'entrée. Donc, Il y a un prix spécial pour nos adhérents, comme d'habitude. Alors, voilà. Donc, on peut dire donc l'entrée cette année. Alors, pour ce bal-là, il est 12 euros parce que voilà, on a plus de frais, tout ça. Non, parce que c'est un groupe qui vient chanter en live. En live. C'est justifié, hein. Ils sont franchement, ça vaut le coup. Et puis les adhérents, donc ils ont une petite ristourne, hein. Les adhérents, ils auront. Ouais, je dis que c'est 10 euros. En 4 balles au. Ah, bah, ils remboursent pratiquement leur adhésion. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de devenir adhérent de la radio. Voilà. Pour vous, ça vous coûte 20 euros par an. Hein. Plus la galette. Bon, ça fait 2-3 ans qu'on l'a fait pas. Voilà, mais... à cause du Covid. Donc, qu'est-ce que vous bénéficiez, voilà, quand vous avez un bal comme ça, vous avez une petite ristourne. Alors, quand on fait des repas aussi chez nous, il y a aussi une ristourne pour les adhérents. Il y a la galette, hein, souvent qui se passe fin janvier. Voilà, donc ça, c'est une galette qui est gratuite pour tous les adhérents. Hein, ils sont conviés et invités dans notre salle à passer un dimanche après-midi. Donc voilà, et surtout, ça aide la radio, voilà, à entretenir. Oui, ça nous fait vivre. Hein, ça fait vivre la radio, ça fait à entretenir le matériel de la radio, parce que c'est vieillissant, faut le changer. Payer les charges. Il y a les charges, bien sûr. Il y a les charges. Puis là, faut s'attendre à que les charges soient de plus en plus. Bah, l'électricité, parce que surtout, c'est un point. Donc, fort, hein, donc dans voilà, notre comptabilité, déjà qu'on payait pas trop, on payait déjà beaucoup, et là on s'attend à une augmentation, une hausse, vraiment une grosse hausse. Donc c'est pour ça, voilà. Donc encore une fois, je me répète, mais devenez adhérent, c'est 20 euros par an, 20 euros, et vous avez une radio, vous écoutez, vous avez le choix des programmes que vous voulez écouter, hein, vous avez des musiques variées, des animateurs bénévoles françaises. Aussi, bien sûr, parce qu'on est tous bénévoles ici. Il faut savoir que Radio Arc-en-Ciel, il y a que des bénévoles. Au jour d'aujourd'hui. Ça tout fait le monde 4-5 ans. C'est... Voilà, on fait tout par nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a une équipe, hein, on est au conseil, on essaye de faire tourner cette radio du mieux qu'on peut. Donc, et pour que vous puissiez, justement, quand vous êtes devant votre poste, écouter vos musiques préférées. Voilà, on dirait ça comme ça. Donc, on essaye d'améliorer notre matériel pour que... On a déjà pas mal amélioré. Il reste encore un gros travail à faire, et c'est un gros budget. C'est changer notre table de diffusion. Ouais, parce qu'elle a quelques années, celle-là. Ouais, déjà. Je pense qu'elle a plus de 25 ans, si je me suis bien renseigné. Je crois qu'elle a plus de 25 ans. Donc, notre prochain investissement, ça sera la table par où on fait nos émissions. Pour tous les gens qui connaissent et qui sont déjà venus, et ceux qui ne connaissent pas, qui peuvent venir à notre radio, hein, ils peuvent venir à visiter. On est au 266 Faubourg Bagné. Le vendredi après-midi, le samedi, alors, le matin, le dimanche matin. Voilà. Et puis après, le vendredi après-midi, vous avez des. Alors là, je vous donne les créneaux des horaires des gens qui font partie du conseil, qui sont là pour vous faire montrer tout. Mais si vous venez voir des animateurs qui sont matin, là toute la semaine, il n'y a pas de problème. Ils vous font montrer simplement les studios, voilà, parce qu'ils ont accès qu'aux studios. Mais sinon, le vendredi après-midi, à partir de 16h, vous avez le samedi matin et vous avez le dimanche matin. Voilà, vous avez des animateurs qui font partie du conseil et qui se font un plaisir de vous faire visiter nos studio et tous nos locaux. En revenant à notre bal, donc c'est un bal où vous allez pouvoir danser. Hein, ça, c'est... Alors, juste une chose, parce qu'on va dire que j'ai peut-être oublié, aussi remercier nos sponsors. parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est grâce à eux aussi, justement, qu'on a pu faire venir un groupe comme... Sincèrement, sinon, les entrées, ça aurait pas payé le cachet des... Non, voilà. Encore une fois, en nom de la radio, je les remercie de nous aider, et on compte sur eux pour continuer à aider la radio, voilà. C'est s'il y en a qui écoutent, des entreprises qui nous écoutent et qui veulent faire leur pub, se faire connaître, parce que c'est aussi un moyen de se faire connaître, passer à la radio, dans nos affiches, dans notre pub, c'est aussi un moyen de se faire connaître pour les entreprises. Alors, être sponsor pour un événement comme ça, c'est voilà, vous apparaissez sur nos affiches, parce qu'on va... Verão, chovia. Entrou fin de bras. Relâchons les nerfs, sentiment à la vie, sentir minar la pelle et transpirar l'air de carne. Reverrai meus pais, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos se desdiu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inferno de paixão. Sentimento alado, senti minar na pele, transpirar leve, pecado. Reverei teus pais, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera, chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera, chuvas de verão. Olha como ela mexe, ai, ai, ai, essa mulher me enlouquece. Chega, chega, chegando, ai que tentação. Tum, tum, tum, acelerou meu coração. Ai, ai, ai, é tão lindo e sensual. Ai, ai, ai, eu nunca vi nada igual. Ai, ai, ai, vem comigo, vem dançar. Ai, ai, ai, eu vou me apaixonar. Se vive con emoción. Ven a mis brazos, baby. Siente todo mi corazón. Esta noche no me olvido. Mueve tu cuerpo, que miento. Quiero besar tu boca, moviéndote loca. Olha como ela dança, olha como ela mexe. Ai, ai, ai, essa mulher me enlouquece. Chega, chega, chegando, ai que tentação. Tum, tum, tum, acelerou meu coração. Ai, ai, Eh oui, c'était Marcus, ta bombe de maïs. Donc on va s'écouter un petit peu de pub là, hein, et puis juste après on va revenir justement sur le bal du 5 novembre. Donc voilà, on s'écoute juste un petit peu là. Soirée, événement. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et non pas de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange verdad. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange verdad. Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il mange verdad et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé carte négre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Bon ben voilà, donc... On va revenir un petit peu à cet événement. Donc, je regarde l'heure. Il est 18h48. J'ai vu qu'Albino était déjà arrivé. Il est dans le studio. Oui, donc, ça passe vite. Hein, ouais, ouais, ça deux passe heures de musique. Deux comme heures ça, de musique. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer. Donc voilà, vous venez d'écouter la publicité pour le bal du 5 novembre. Hein. Donc c'est où, Lionel? Salle Montition, Saint-Jean-de-Blanc, hein, voilà. Bien entendu. À partir de 21h, on vous attend. Et voilà, puis, on vous attend. Donc venez nombreux, amenez votre famille. Hein, voilà, c'est une... les amis, des Français, des Portugais, c'est une des occasion Espagnols, aussi de fêter quelque chose, votre anniversaire, votre anniversaire de mariage, de ce que vous voulez. C'est une occasion aussi pour ça. Faut faire découvrir la musique aussi. Bah, et c'est ouvert aux amis. Monde, hein. Aux amis, hein. C'est pas que pour les Portugais. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc, alors tout à l'heure j'ai oublié, donc je remercie tous ceux qui étaient adhérents, et aussi les sponsors, mais aussi les bénévoles. Les bénévoles, hein. Voilà, faut pas oublier que nous avons des bénévoles et ces gens-là, on n'en parle peut-être pas assez, mais ils nous aident beaucoup, hein, ils aident beaucoup la radio et c'est beaucoup de travail. Ah, c'est grâce à eux qu'on fait les soirées. Voilà, qu'on peut les faire. Ouais. Voilà, souvent ils sont là-bas, de comme nous, hein, du matin à partir de 9h-10h jusqu'au lendemain 5h. Il faut mettre tout en place, la salle, la scène. Tout à fait. Voilà. Et puis le pire, c'est le après 3h du matin. Ouais, là, tout rangé, voilà. Et donc jusqu'à maintenant, on a pu compter sur eux. Donc je tiens à les remercier aussi, c'est voilà un grand merci de la part de Radio Arc-en-Ciel pour tous ces gens-là qui nous aident et qui continuent à nous aider. Donc voilà, n'oubliez pas donc cette journée du 5 novembre aux Immenses Verdades avec animé avec le bal avec Capa Negra. Donc ils seront là aussi. Donc tout le monde connaît hein. Que tout le monde connaît bien sûr. Je pense qu'ils ont peut-être des nouveautés, des voilà, je sais pas. Ouais, mais... Comme d'habitude, ils nous surprennent à chaque fois. À chaque fois, ils ont une surprise pour Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et donc, à partir de 21h, hein, les portes sont ouvertes. Les prix d'entrée, donc, on nous avait dit, c'est 12€. Et les adhérents. Alors, pour les adhérents, c'est 10€, mais il faut qu'ils se présentent avec leur carte d'adhérent à jour. Donc, à jour, hein. S'ils ont pas de carte, voilà, je suis désolé, mais on peut pas, parce que nous, voilà, il faut qu'on ait une carte qui soit à jour pour 2022. Donc, voilà. Donc, aussi les enfants. Enfants à moins de 10 ans, je crois qu'ils payent pas, c'est ça, 10 ou 12 ans, c'est marqué. 10, 12 ans, je crois, c'est qu'ils payent pas. C'est à partir de 12 ans, je crois, qu'on paye. Donc, quoi d'autre de dire, Lionel? Dire que, faut venir faire la fête, hein. C'est aussi une occasion après les vacances de se mettre en place pour la fin de l'année, hein. Oui, voilà. Parce qu'on approche, des fêtes de fin d'année. Hein. Donc une fête avant la fin de l'année. Il faut en profiter. Puis dans la conjoncture actuelle, c'est bien de s'évader un petit peu, de pas écouter les infos ce soir-là, de pas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas tellement. Voilà, on peut pas dire que c'est la guerre d'un côté, pas d'essence de l'autre. Justement, venez justement s'évader, s'amuser, simplement s'amuser. En ce moment, faut plus écouter les infos. De toute façon, si on veut vivre tranquille, Tout à fait. Donc, j'allais vous passer une dernière chanson justement de Éloigne Jourdain. Je vais la mettre en fond de musique. Je crois que c'est un de leurs derniers titres. C'est Tiam. Donc, c'est du dernier album. C'est du dernier album, je pense. Donc on va En tout cas, ça va être un immense plaisir de recevoir tout ce monde, se revoir après les vacances. Voilà. Et vous allez être encore tous bronzés, Alors faut pas oublier, c'est cette fois-ci parce que la dernière balle qu'on avait fait, c'était à Saint-Privé, mais là c'est à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc on revient sur cette salle mythique qui est la nôtre. Voilà, que tous les balles qu'on fait, on les organise là-bas. C'est une salle qui nous convient très bien parce qu'elle est bien. Il y a de la place. Voilà. Donc, elle est accueillante et puis il y a la place à l'entrée pour le bar séparé. Voilà. Le bar n'est pas dans la salle. Je trouve bien parce qu'on peut se parler. Voilà, on peut se parler. Donc moi je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain à la même heure. Moi je donne le rendez-vous dimanche. Et voilà matin, donc à savoir que bon là juste après moi vous allez retrouver Albino avec son émission Mavrica. Demain matin vous retrouvez Christine dans son émission qui est Portugal no coração. Et dimanche matin, vous allez retrouver Lionel, Jérôme, Katia certainement. Dans ton émission, c'est Le téléphone talk. Voilà. Et normalement avant, alors je sais pas s'il sera là, c'est Monsieur Fortes qui sera. Voilà, l'émission Monsieur Fortes. Donc moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 17h-19h pour l'émission Découverte. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à tous. Vacilar e celebrar comigo quando eu conquistar, mas estou. sem parar. Toda semana trabalham, cuidam da casa e ainda sobra muita lenha para queimar. Elas estão cada vez mais cheias de brado e querem bater as asas, querem curtir e dançar. Elas estão cada vez mais cheias de brado e querem bater as asas, querem curtir e dançar. A linha quando canta quer galo, se elas querem trigo e trigo eu vou dar. Toda noite sem parar. A linha quando canta quer galo, se elas querem trigo e trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo, é trigo e trigo toda noite sem parar. Toda a noite sem parar. A linha quando canta quer galo, se elas querem trigo e trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo, é trigo e trigo toda a noite sem parar. É trigo e trigo toda a noite sem parar. É trigo e trigo toda a noite sem parar. Aproveito a ocasião. olhar-te nos teus olhos e pensar pra encontrar saída, sem nós termos que nos separar. Vamos dar um tempo pra pensar, vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso amor acabar, vamos dar um tempo pra pensar, vamos dar um tempo, nada se compara ao nosso amor que vai voltar. Vamos dar um tempo, que nós não só demos dar. Mas hoje não esquecemos que é um sonho que nos faz.